Vous des questions? Moi aussi. Oh, le moins possible. J'ai commencé le processus de désidentification. Est-ce que ça va être longtemps souffrant? Non, parce que lorsqu'elle s'identifiera plus à son processus de souffrance, ça va cesser d'être souffrant. Donc la désidentification n'est pas totale? Non. Et elle n'est pas souffrante. Tout ce qui se désidentifie ne souffre pas, c'est ce qui est encore identifié qui résiste. Alors, c'est la phase de résistance à la désidentification qui est souffrante, mais pas le phénomène humain. Et c'est bon de voir la nuance, parce qu'à un moment donné, on va se dire, bon, mais c'est parce que je me désidentifie que je souffre. Non, c'est parce que je suis pogné que je souffre. C'est que finalement, l'identification n'est pas terminée non plus. Tant que tu as une identification, tu as une résistance au changement. Absolument. Lorsque je m'enfise, mon corps devient froid. Est-ce que cela dépend de la respiration? Si oui, explique pourquoi. Bon, ça peut dépendre de plusieurs phénomènes. Premièrement, il y a nécessairement une maladie cardiaque qui s'installe possiblement, c'est-à-dire un ralentissement cardiaque. La personne doit m'enfiser, elle relaxe sans doute énormément dans sa m'enfisation et comme dans beaucoup de cas de méditation ou de relaxation assez profonde, le corps physique baisse, le corps ralentit, la température baisse, ce qui est normal. La personne devrait s'arranger pour m'enfiser, soit avec une couverture sur elle, quelque chose comme ça. C'est évident que si elle aurait une respiration un petit peu plus abdominale, c'est-à-dire avec une conscientisation des ouverteurs de capteurs, les capteurs Yann dans l'extrémité du nez, elle ramasserait un peu plus d'énergie Yann qu'il y a dans l'air et elle se réchaufferait. Pourquoi c'est les mains qui deviennent glacées? Pas le reste parce qu'il y a des... c'est très, très, très simple. Tu devrais même pouvoir y répondre. Circulation, c'est une extrême. C'est parce que dans les extrémités, il n'y a pas de gros vaisseaux sanguins. Et nécessairement, les capillaires, vu que le sang circule moins bien, nécessairement, le sang perd la circulation. Les mains, les capillaires servent de radiateur et la chaleur s'envole. Comme le sang circule moins bien, bien tu perds la chaleur. Mais lorsqu'on menfise, on joue beaucoup avec l'énergie vitale. Puis, oui. S'il y a beaucoup d'énergie vitale, le sang influence-t-il autant que l'énergie vitale? Non. Par contre, ce qui va arriver, c'est que la personne ne menfise peut-être pas suffisamment au niveau des mains, par exemple, si les mains qui deviennent froides. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les premiers symptômes de la menfisation, ça va être une relaxation intéressante. Et dans le phénomène de la relaxation, il y a une déstressisation du corps physique. L'ego s'exprime moins dedans. Et nécessairement, il y aura une maladie cardiaque normale, il y aura un ralentissement cardiaque, ce qui fait qu'il y aura une baisse de température. Le contrôle menfique, la conscientisation des endroits qui sont froids, ajustés avec une respiration de type ionique, va compenser le phénomène. La personne ne se refroidira pas. Parce qu'il y a des personnes qui pratiquent depuis un grand laps de temps le phénomène menfi et qui... Bon, en pleine forêt, hein, tu l'as même expérimenté toi-même, lorsqu'il fait même suffisamment froid, eh bien, les personnes arrivent à avoir chaud. Certaines entités vont se manifester à cause de l'émotivité des gens, mais certaines existent sans cette aide et sont attirées par les humains qui n'ont pas beaucoup d'ego. Quels sont-ils? Quelles sont les différences entre ces entités? Bon, c'est des mécaniques, n'est-ce pas, qui n'aiment pas le thé. Ce sont des entités. Effectivement, donc des entités qui se manifestent à cause de l'intensité, de l'émotivité des gens, on l'a vu tout à l'heure, au niveau de l'expression vitale. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'ego rencontrent des entités. Oui, effectivement. L'être humain qui n'a pas beaucoup d'ego, l'être humain qui s'en égoïse un petit peu, c'est un être humain qui voit une mutation de son corps physique suffisante pour que sa génétique devienne intéressante. Si on altère votre corps physique, on va nécessairement altérer votre conscience. Alors, on fait ça chez les schizophrènes. Il y a une époque où on lobotomisait à la voix comme je te pousse. Mais si on prend de l'alcool, si on prend des drogues, etc., eh bien, on altère notre conscience. La génétique, le corps physique est extrêmement important. Et ce qui va arriver à un moment donné, c'est que lorsque l'individu est suffisamment égoïque, il y a énormément de mécaniques qui proviennent de ce qu'on appelle souvent les forces d'involution, qui proviennent aussi du monde de la mort, qui font tout premièrement pour empêcher l'humain de trop s'en égoïser, c'est-à-dire que ce sont des forces de récupération. On met des mots pour qu'on puisse se comprendre. ne sont pas intentionnels, ils sont mécaniques. Et il y a ce que, de temps en temps, les personnes spirituelles appellent les grands maîtres, qui sont des mécaniques chambaléennes ou agarciennes, qui sont des mécaniques intraterrestres, qui sont des mécaniques d'involution, qui aussi essaient de s'approprier les corps physiques des humains qui évoluent. Il y a énormément d'entités qui vont apparaître dans le but, premièrement, de réénergiser l'ego chez l'humain, donc de créer des stress égoïsants, allant à l'encontre de la négoïsation. Et il y a aussi des mécaniques qui vont essayer de s'associer à l'humain de façon contrôlée, c'est-à-dire à le manipuler dans une entente bilatérale, qui en réalité est unilatérale, pour que l'humain finisse par donner des parties de la génétique. Grosso modo, c'est ce qui arrive. Et là, on peut reparler de qu'il y a tellement de sortes de bébites qui peuvent apparaître, sauf que l'humain peut dire, ouais, mais ça veut dire que je suis manégoïe, je rencontre plus de bébites. Non, vous les voyez plus. Alors, il y a une bonne, maudite bonne nuance. Quel est le but de cette conférence? Le but de cette conférence? Quels sont les buts? Non! La personne, elle vient à une conférence, elle vient chercher des choses, et la conférence donne des choses. Elle donne de l'énergie, elle donne des réponses à plusieurs phénomènes, et elle permet aussi, encore une fois, d'instruire certains égos de, qu'ils devront se préparer à accepter des choses neuves pour pouvoir comprendre ce qui va suivre dans les années qui vont venir. Ça ne vaut pas la peine de dire, bon, bien voilà, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Les êtres humains vont l'apprendre. Ce qui est préférable de faire, encore une fois, c'est de recenser des choses pour que l'humain se rappelle, pour que l'ego finisse par être suffisamment énergisé de certaines choses, pour que lorsqu'il y aura des informations neuves, qu'il puisse s'en servir. C'est comme lorsqu'ils ont dit à quelqu'un, « Bon, t'as des ulcères à l'estomac, mais c'est parce que tu t'inquiètes trop. »« Ben oui, je le sais, ça! »« On sait le savoir! »« Ben, c'est ça, le problème, le cas! » Mais c'est pas ça, le savoir. Moi, j'aimerais que tu nous dises, « Ben oui, c'est ça. On va voir un médecin parce qu'on a déjà un mal dedans, puis il va nous dire, « Ben oui, mangez-vous bien du sucre? » On dit oui. Mais c'est pas ça qu'on veut qu'il nous dise, le médecin. Ben, de temps en temps, c'est extrêmement bon de revenir un peu brouter dans certaines choses que l'on connaît, sans trop en dire, sur la raison fondamentale ou, disons, sous-jacente au phénomène, et en revisant subitement, à une vitesse intéressante, plusieurs mécaniques, on va dire, qui ne nous servent pas dans notre vie un instant. Parce que la journée, vous allez devoir commencer à vous servir de vos facultés, de prendre des choses neuves, de voir les problèmes d'une façon différente. Ça sera bon avant d'avoir préparé son ego. Et pour préparer son ego, la meilleure chose, c'est de lui rappeler tout ce qui a déjà existé, tout ce qui existe encore, qui ne s'explique pas par la mécanique conventionnelle. Puis quand vos égos seront suffisamment avertis de cela, eh bien, quand il y aura de nouveaux phénomènes, ils pourront comprendre. Imaginez qu'il y a des personnes qui viennent à mes conférences depuis plusieurs années et qui sont encore à la phase des questions dans le genre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un entité est apparu dans ma chambre? C'est bien simple. Conférence numéro 8, 24, 29, 47, 63, 92, 121, 22, 23, 24, 148, 175, 187, 201. Et là, la personne, elle dit, ben oui, mais c'est la même chose. Tu as juste oublié que tu le savais. Dans les conférences que je vais faire en 90, l'année chronométrique, parce que c'est commencé en 90 depuis Boutin énergétiquement, eh bien, il y a énormément de petites choses qui devront s'ouvrir. Et je répète encore une fois que les conférences que je donne présentement les mercredis, que je vais donner les vendredis, je le répète, je le dis ici, je l'ai dit au séminaire à un moment donné, ces conférences-là vont s'adresser à partir de 1990 uniquement à ceux qui n'ont pas fait le séminaire. Les conférences ne s'adresseront plus à ceux qui ont fait le séminaire parce qu'eux ont accès à une conférence spéciale une fois par mois qui dure 3 heures, qui va à un moment donné s'étirer aussi et qui, là, est beaucoup plus intensive. Sauf que les conférences que je vais faire régulièrement s'adressent à ceux qui n'ont pas fait le séminaire. Et ça s'adresse aussi à ceux qui aimeraient faire le séminaire. Parce qu'il y a des personnes ici, bon, il y a aussi une problématique qui est évidente, quand une personne vient pour la première fois, puis qu'elle aurait dû venir depuis 2 ans pour comprendre la conférence, ben nécessairement, c'est comme si on lui disait qu'on ne veut pas la voir. Et il y a énormément de personnes qui sont totalement prêtes à s'ouvrir, prêtes à apprendre des nouvelles choses, prêtes à se faire confirmer des phénomènes, si on leur laisse le temps. Et comme pendant plusieurs années, on faisait des conférences uniquement pour moi, par la suite uniquement pour les séminaristes et pour la clientèle qui pouvait suivre, à partir de 90, il y a un phénomène qu'on expliquera à un moment donné peut-être le mois de janvier, sur l'intelligence et l'absolue nécessité que beaucoup d'informations soient plus accessibles à beaucoup plus de gens. Et les personnes qui, à un moment donné, veulent inviter quelqu'un à une conférence de Daniel Kemp, ben, ils n'auront pas le stress majeur de se demander si la personne va vouloir encore leur parler après. Bon, étant donné que les conférences vont être convenables, il y a toujours du neuf qu'on va sortir d'une façon un petit peu différente, et il y a besoin, et je le sais, je travaille avec suffisamment de séminaristes dans différentes compagnies, pour savoir qu'il y a un besoin absolu de répéter beaucoup de choses. Alors, c'est bien beau de toujours vouloir aller en chercher, mais finalement, les marches que tu as mises en bas, elles sont même plus là, donc tu te pourrites. Tu casses la gueule, tu redescends jusqu'à terre. Puis là, quand tu dis, j'aimerais remonter en haut, on te dit, remonte à la première marche. Alors, il n'y a pas question, je la connais, on a l'ascenseur. Mais l'ascenseur, il n'y en a pas. Alors, il y a plusieurs... bon, les conférences régulières vont servir aussi à ceux qui ont fait le séminaire, mais il ne faut pas que les personnes qui ont fait le séminaire s'attendent à ce que ça ressemble aux conférences régulières du mois, conférences spéciales. Les conférences régulières de semaine, ben, ça va s'adresser évidemment à ceux qui ont besoin de comprendre des choses qu'ils n'ont pas compris mais qu'ils ont appris, puis ça va s'adresser à ceux qui n'ont pas fait de séminaire. Ce qui est logique. En tout cas, c'est logique pour moi, puis c'est moi le conférencier qui m'a fait découvrir. Faut pas essayer de te manipuler. Bon. Tu expliques... Non, on peut essayer. Ouais, je veux pas pour ça perdre mon énergie. Tu expliques ce soulèvement des pays de l'Est par la manipulation d'êtres du futur. L'underground catholique y est-il pour quelque chose? Bon, l'ésotérisme catholique. Underground, c'est mauvais parce qu'underground, c'est intraterrestre. Hein? Alors, c'est... Attention à ce qu'on dit. Bon. Parce qu'effectivement, l'Église catholique est basée et bâtie sur de l'intraterrestre. Bon. Totalement. Sur cette pierre. Ah oui, c'est vrai. Bien trouvé la pierre, je t'assure. Des contacts avec en bas. Alors, le soulèvement des pays d'Est, c'est pas un soulèvement, monsieur, c'est même une libération, mais présentement, qu'est-ce qui... On parlait de plans dans les plans tout à l'heure. Qu'est-ce qui implique ce genre de choses? On a déjà vu, à un moment donné, à la conférence, que le terrorisme mondial est absolument essentiel. C'était pour obliger l'Europe à s'allier ensemble. Il y a plusieurs phénomènes qui sont manipulés par de l'intelligence, qui, par le biais de mécaniques moins intelligentes, soit astrales, etc., soit intra-extraterrestres, soit totalement psychologiques humaines, donc un astral personnel, amique. Il y a tout ce qui se passe présentement est calculé, manipulé, en vue de certains objectifs dans lesquels l'humain est inclus. L'ésotérisme catholique supporte l'ordre rosicrucien. Bon. Ou, si vous préférez, l'ordre rosicrucien s'attache à l'ésotérisme catholique. L'ordre franc-maçonnique, c'est plus protestantiste. C'est un peu catholique, bon, du moins chrétien. Il y a énormément de choses sous-jacentes. Si on regarde uniquement la mafia, par exemple, qui est une grande structure qui permet de faire fructifier les avoirs matériels de Rome, de l'Église catholique, si on regarde bon, différents phénomènes justement qui sont en dessous, le soulèvement présentement est engendré par et des mécaniques franc-maçonniques, des mécaniques rosicruciennes, des mécaniques qui sont islamiques, des mécaniques qui sont intraterrestres plus puissamment et qui ont manipulé différentes sociétés secrètes. La majorité des services secrets, donc des gouvernements non élus qui dirigent réellement les pays, les grandes nations entre autres, et quelquefois les petites, mais les petites sont souvent dirigées par les grandes nations, sont manipulées par des mécaniques souvent intraterrestres ou extraterrestres. À travers cela, il y a des rassemblements de personnages qui ont gagné des prix Nobel, qui se sont alliés ensemble dans le but de manipuler des mécaniques humaines contre les mécaniques qui sont plutôt inhumaines. Alors, il y a énormément de choses. On pourrait en reparler d'une conférence peut-être plus axée sur les gouvernements ou sur le gouvernage des sociétés d'une façon sous-jacente, soit intraterrestre, l'underground, soit simplement ésotérique. L'Église catholique, le phénomène catholique a son poids là-dedans, mais ce n'est pas le Vatican qui contrôle ça. Non. C'est ceux qui contrôlent la bibliothèque du Vatican. Vous avez déjà dit que vous n'étiez pas pour les traditions et le mariage. Pourquoi êtes-vous contre le mariage? Je ne l'ai pas dit que j'étais contre le mariage, j'ai dit que je n'étais pas pour. C'est tout à fait différent. Moi, je ne fume pas, je ne suis pas contre les fumeurs. Je suis contre qui fume à ma maison. Quand je vais chez eux, je suis contre qui fume pas. Je ne suis pas contre le mariage. Le mariage, c'est un phénomène intéressant. Mais si j'observe le mariage, je me rends compte que le mariage, c'est plusieurs choses. Premièrement, c'est une terrestrification d'un contrat qu'on passe dans le monde de la mort, dans le ciel. Dans le ciel, disons. C'est le terme qu'emploie l'Église. Bon, mais c'est correct. C'est là où vont les âmes après la mort. Pourquoi je dis le monde de la mort? C'est extrêmement important pour l'humain de densifier, de terrestrifier, de descendre dans la matière un contrat qu'il passe dans d'autres plans. Le mariage, c'est cela. Où il y a le problème, c'est que le mariage, on en a fait finalement un contrat de protection. Et quand on se marie pour le bien et pour le pire, pour le bien, on n'a pas besoin de contrat, c'est toujours pour le pire. Bon, le mariage, pourquoi je trouve cela problématique? C'est encore ça, c'était utile énormément parce que le mâle était vraiment dangereux à l'époque. C'est pareil, c'était essentiel parce qu'il... Lui, c'était même pas le avoir plusieurs femmes, c'était avoir plusieurs nations de femmes. Bon, le mariage, où il est problématique, c'est que l'être humain finit par s'associer uniquement au nom de la tradition. On ne devrait jamais se marier par tradition, premièrement. Donc, on se marie pour être normal. On se marie parce qu'on se sent mal pas marié. On se marie pour pas déplaire à un Dieu. Ben, un Dieu qui se déplaît juste pour ça, il n'y a rien qu'à nous mettre au monde marié. Dans le passé, il s'en occupait. C'est les parents qui décidaient. Maintenant, ce qui doit arriver, c'est que l'homme, la femme doivent être capables de s'allier, de s'unir suffisamment fortement dans un but intelligent. Tu ne te maries pas parce que tu aimes les seins ou les fesses de ta femme. Tu ne te maries pas parce que tu aimes les bras ou encore de ton mari. Mais une fois que tu es marié, tu es faite. L'homme, la femme doivent vivre ensemble, comme l'homme doit vivre avec l'homme, la femme avec l'homme. Et à un moment donné, s'ils veulent mélanger leurs énergies, ils devraient terrestrifier ça par un enfant. Et là, on va dire, c'est la famille. Qui parle de mariage sans famille? Mais le mariage a fini à la longue par cesser d'être simplement un rituel où on se plaisait de se marier, simplement d'une fête, et on a mis ça sur papier, avec des clauses, et puis à un moment donné, ben voilà, si vous êtes cimenté pour la vie, si vous avez fait une erreur en vous mariant, tant pis pour vous. Prochaine vie, on verra s'il y en a une, sinon, ben, démerdez-vous pour gagner votre ciel. De cette façon-là, je suis contre le mariage. Le mariage, je n'ai pas besoin de le faire devant tout le monde, dans une église ou dans un parlement, une mairie. C'est ça. Mais je ne suis pas contre les êtres humains qui se marient. J'ai même un de mes amis extrêmement évolué, qui s'est marié avec une femme extrêmement évoluée. Pour terrestrifier dans la matière leur union. Ils veulent aussi avoir des enfants. C'est parce qu'ils sont rares. Ça leur terrestrifie surtout leur insécurité. Je voulais dire, c'est parce que les femmes évoluées sont rares. Il ne faut pas se marier. Non, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'hommes évolués pour les trouver. C'est évident. Ben oui, c'est facile. Hein? C'est... Comment puis-je être guidé dans le choix d'une compagnie, ou d'une compagne, pardon? Est-ce le fruit d'un destin? C'est une compagnie avec une femme, il veut monnayer. C'est similaire des fois. Est-ce le fruit d'un destin préfabriqué ou le résultat d'une démarche personnelle? Comment puis-je être guidé dans le choix d'une compagne? C'est facile. Laissez-vous guider, vous le serez. Et vous le regretterez. Bon. Comment pouvez-vous choisir une compagne? Si l'être humain veut choisir une compagne, il devrait ne pas se marier. Parce que ce qui va arriver, c'est qu'il va la choisir en fonction de ce qu'il est. Comme il va changer, il va s'arranger pour que l'autre change aussi. Comme lui. Puis c'est ce qui crée les problèmes du mariage. Comment on peut dire ça pour que ça soit compris? Ah, compte pas sur moi. Non, je veux le dire, c'était des problèmes. Si je comprenais... Premièrement, une compagne comme un copain, c'est un être humain qui doit totalement rester libre, c'est-à-dire qu'on peut s'approcher d'un être humain si on a des harmoniques ensemble, on fait un bout de chemin ensemble, puis à l'instant où ça ne va pas, ça doit continuer à aller. Et ça, tous les conseillers matrimoniaux vous le diront, ça doit continuer à aller. Et la façon que ça continue à aller, il faut qu'on se sépare. Si on se sépare, on ne se détestera pas, on ne saillira pas, on ne se déformera pas, et on va rester amis, ça va continuer à aller. Sauf que lorsqu'une personne, bon, l'homme qui se cherche une compagne est normalement un mâle malheureux. Bon, même si on se dit, j'ai une raison intelligente d'avoir une compagne, le fait que tu cherches, c'est qu'il y a un trou. Et ce trou n'existe pas dans la conscience, ni de la femme, ni de l'homme. Il existe dans les mémoires. Le bonhomme a besoin de coucher de temps en temps avec une femme. Et l'homme est rendu à un point où il aime comme la femme. Et pour faire l'amour avec une femme, il est maintenant rendu à un point où il doit aimer la femme. Et nécessairement, ça crée un problème. Ça va créer un problème où ce que le bonhomme, il va se dire, « Ben oui, j'aurais besoin d'une relation sexuelle, mais je ne peux pas faire ça avec n'importe qui. » Bon. Mais on doit quand même conserver l'idée que la recherche, elle est basée sur un phénomène biologique. L'avantage et le désavantage. L'avantage pour l'humanité et l'avantage pour la femme, c'est que le gars est restreint par l'obligation de s'entendre intelligemment avec la femme, de s'entendre mentalement avec la femme, de s'entendre affectivement avec la femme, puis après ça, il pourra combler ce qu'il a besoin. C'est mieux pour la femme, c'est mieux pour l'humanité, c'est une évolution radicale, c'est une mutation du mâle. Mais, pourquoi c'est problématique pour le bonhomme? C'est que le bonhomme ne se satisfait plus comme un mâle devrait le faire. Tant mieux! Pas pour le bonhomme, tant mieux pour le bonhomme aussi, mais c'est tant pis pour les mémoires du bonhomme. On ne doit pas chercher une compagne. On doit parvenir à quelque chose de neuf. On doit être capable, à un moment donné, de rencontrer une femme, de même pouvoir lui toucher, sans vouloir l'acheter ou la posséder. Pour la femme, c'est un peu plus facile que pour l'homme. Pour la femme, ça peut être un peu une complication aussi, à un moment donné. Mais on doit s'arranger pour parvenir à être capable de ne pas vivre des inhibitions dans la relation uniquement parce qu'on a peur que ça devienne sexuel. C'est pour le bonhomme qui est rendu à un certain niveau d'évolution. Et on ne doit pas non plus interdire le phénomène sexuel de peur que ce soit comme quand on reprend un verre après qu'on a été alcoolique, de peur de retomber dans le piège uniquement basé sur le phénomène sexuel. Aujourd'hui, quand tu rencontres un conseiller matrimonial, parce que ça va mal, la question qu'il nous pose, c'est comment est votre vie sexuelle? Parce que, tu sais, l'humain, bon, c'est rien que sa vie sexuelle. Imaginez-vous bien qu'on est très avancé comme animal humain. Sauf que, on doit travailler cela. On doit être capable, en tant que mâle qui se cherche une compagne, de vivre avec 25 compagnes sans jamais en choisir une dans l'eau. Quand ça fera 2 ans, tout le monde saura que vous êtes en amour. Ça sera sans doute parce que vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais quand c'est vous qui allez chercher des points en commun pour déterminer que vous l'êtes, vous colorez la réalité. Et là, ce qui va arriver, c'est que le moindrement que le bonhomme va rencontrer une femme, disons, à son niveau d'évolution, il va vibrer à elle et automatiquement, il va vouloir commencer à faire la cour. Une cour intelligente. Et non pas juste une cour avec des fleurs, des ci et des ça, là. Une cour sur un autre niveau. Mais c'est dommage, encore une fois, parce que c'est le mâle est encore pris dans la considération que la femelle est là uniquement pour la sauver. Même s'il veut la respecter, même si ce n'est pas ce qu'il recherche, parce qu'il veut la respecter quand même, plus que ce que normalement un mâle doit faire, mais beaucoup plus. D'ailleurs, un mâle, je ne sais même pas si ça respecte une femme, en tout cas, beaucoup plus. Sauf qu'encore là, il y a une atténuation. C'est pour ça que je dis que si vous recherchez une compagne, ben, il y a toujours un danger. Je sais qu'on est mal pris. Comme la femme aussi, à un moment donné, elle se rechercherait peut-être un homme avec qui elle pourrait, bon, discuter, évoluer, etc. Elle aura toujours peur que ça finisse dans le lit. C'est pas grave que ça finisse dans le lit, sur le sofa, à terre ou sur la table. C'est pas grave. Le problème, c'est que si il y en a un qui doit se plier à l'autre pour conserver un autre palier de communication, on est encore au niveau de l'animal humain. Donc, c'est un truc intéressant, mais à un moment donné, ben c'est ça. Mesdames, patientez encore quelques centaines d'années, puis je vais voir, il y a des hommes qui vont changer. Il n'y a pas question de destin là, dans le choix de quelque chose? Si tu n'es pas conscient, tu es assujetti à un karma collectif et nécessairement tu as une destinée. Si tu commences à être conscient, tu te désassujettis du karma collectif et nécessairement tu te déconnectes de la destinée. Tu n'auras pas de libre arbitre comme on veut le concevoir du point de vue de l'ego. Tu auras une liberté dans la conscience, donc au niveau des choix, ça ira. Là où il y aura le problème, c'est que tu auras un libre arbitre dans le fait que tu ne t'associeras pas avec une telle ou un tel, mais tu n'auras pas de libre arbitre dans le fait que ça restera quand même ceux-là qui vont passer devant toi. Alors, tu ne pourras pas dire, parce que je me conscientise, la femme ou l'homme idéal arrive. Non. Eux, le reste, le cadre reste manipulé par la collectivité, alors ça va continuer de se dérouler comme c'est là, mais tu seras seul. Jusqu'au jour où peut-être, vu que tu vas cumuler de l'énergie, ta gravité va commencer à courber l'espace-temps autour de toi, et que progressivement, les êtres humains plus faibles vont commencer à être manipulés par ta présence, et ça va créer un phénomène d'attraction qui va faire qu'une femme ou un homme, qui lui aussi ou elle aussi est capable de bouger le continuum collectif, ben vous allez finir par vous rassembler, mais ce sera une décision beaucoup plus libre. Ça ne sera pas une destinée. Ce n'est pas prévu comme tel. Ce n'est pas prévu par l'astral. Mais par? Ce n'est pas prévu par l'astral. Ce n'est pas prévu. Il y a que l'astral qui prévoit de la mémoire, qui extrapole. L'intelligence ne sait pas qu'il va se passer telle chose ou telle chose. L'intelligence s'en fout. Tout est accompli. L'intelligence n'est pas là à se demander si ça va se passer ou pas se passer. L'intelligence, ça s'en balance royalement. Plus que royalement, divinement. Comment aider un élève à faire un choix de carrière? Bon, ben la semaine prochaine, la conférence sur l'enfant Teflon, c'est sûr que ça va être un peu plus intéressant. Comment aider un élève à faire un choix de carrière? La façon la plus évidente, c'est de s'arranger pour qu'il puisse discuter une journée par semaine ou par mois avec une personne, un professionnel ou une professionnelle dans une carrière particulière. Et là, il va faire un choix de carrière. C'est évident que si on fait juste lui en parler et lui suggérer des choses, mais je vous bien que ça dépend de l'âge qu'il a. S'il a 12 ans, ben, d'ici ce qu'il soit prêt à travailler, il y a des chances que la carrière ait changé. Alors, on va en reparler pour possiblement beaucoup plus la semaine prochaine. Est-ce que lutin, c'est le même être qu'un gnome? Un gnome. Un gnome. Quelles sont les différences? Non. Le gnome, le lutin, c'est une mécanique qui n'existe presque plus, qui a été exterminée par l'humain. Le lutin, c'était un phénomène qui était beaucoup plus belzébutien que le gnome et qui avait l'affinité d'aimer l'humain, alors que le gnome, lui, déteste l'homme. Alors, les lutins, comme les farfadets d'ailleurs, sont une autre forme de mécanique, ont travaillé beaucoup avec l'humain, ont aidé l'humain. L'humain en a eu peur. Quand l'humain a été suffisamment densifié pour commencer à les voir, l'humain en a eu peur. Et l'humain est entré en guerre contre eux. Le gnome, c'est une mécanique qui s'occupe beaucoup plus des plantes, qui s'occupe, on met un nom, donc on met aussi une personnification, là. Mais le scientifique vous dirait que, bon, si on prend une graine, il y a la mémoire de l'arbre au complet dedans. C'est ce qu'ésotériquement on appelle le gnome. Et nécessairement, ça va aider l'arbre, ça va structurer la matière, ça va le bâtir, ça va... Scientifiquement, on se complaît de dire que c'est simplement parce qu'il y a une forme de génétique dans la graine. Oui, on décrit ce qui se passe, mais on ne l'explique pas. L'ésotérisme, ainsi que la spiritualité, a tenté d'expliquer. Et parce qu'ils avaient une vision plus intuitive et émotive, ils ont placé des mots. Le gnome s'occupe des plantes, alors que le lutin, le farfadet, s'occupait, lui, de permettre à l'humain d'avoir une gestion de la matière de façon à améliorer sa condition matérielle. Donc, on a des fables où les farfadets ou les lutins venaient, par exemple, la fable la plus connue, qui est de moins en moins connue parce qu'on n'en parle plus, c'est celle où il y avait un village, et puis là, il y avait une sieste au midi. Puis quand les personnes se réveillaient, eh bien, le meunier voyait que son blé était moulu. Hein? Le bricoleur voyait que son meute était fini. Bon, le sieur de bois voyait que ses planches accordaient. Et puis, à un moment donné, ils se sont dit, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, ils se sont dit, là, on va faire semblant de dormir, on va voir ce qui se passe. Alors, ils ont fait semblant de dormir, puis quand ils ont entendu du bruit, ils ont ouvert les yeux, puis ils ont vu qu'il y avait la boue, c'était plein de lutins dans le village. Ils ont eu assez peur qu'ils ont chassé. Les lutins ont cessé de venir aider l'humain depuis ce temps-là. Bon, légende. Mais maudit qu'il est vrai. J'ai souvent entendu des amis qui me contaient que quand ils étaient jeunes, il y en a qui venaient sur leur lit, puis du moment où ils ont eu peur parce qu'ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire, ils ne venaient plus se manifester. Ah oui, c'est ça. Moi les lutins, ils venaient faire le ménage chez nous régulièrement. Ils faisaient mon lavage, le vaisselle, les boules poussetards, le procédé respirateur. Jusqu'à temps que je rencontre ma femme. Les lutins, elle pour le vaisselle comme elle voulait. Ils passaient pour l'aspirateur comme elle voulait. En tout cas, c'est plein d'affaires dans le genre. Fait que finalement, c'est parti. Ce sont finalement des gestionnaires de l'énergie matérielle? Oui, ils vont aider l'humain à transformer, à émettre les idées, à matérialiser les idées pour transformer la matière pour que ça serve l'humain. Est-ce une coïncidence que l'EVID inversé devient DEVIL ou bien du codage? C'est une forme de codage. C'est pas une coïncidence. Coïncidence, là, c'est... Non. C'est le hasard. Mais du langage, toujours du codage, finalement, absolument. Ça veut rien dire. Ça veut tout dire. Finalement, les mots les plus brillants que les ésotéristes ont le plus aimés, c'était les mots qui, inversés, ne changeaient pas. Laval, non, tu sais, bon, des mots de même. Il n'y a pas de danger. Québec, même chose, K-E-B-E-K, Québec. On l'a changé par la suite. Mais, politiquement, pour l'exotériser. Ce sont des mots qui sont moins dangereux parce qu'ils gardent leur signification, ils n'ont quand même aucun problème. Serait-ce le monarque qui sera le prochain à pouvoir obtenir l'arche d'alliance du roi Arthur? Non, le monarque, c'est... Ça sera une guerre majeure contre le monarque. Et là, on va dire, oui, mais dans l'Apocalypse de Saint-Jean, que Saint-Jean, c'était pas ce qu'il y avait de mieux non plus. Il colorait bien les choses. Dans l'Apocalypse de Saint-Jean, on dit que justement, il arrive avec des armées, puis des ci, puis des ça. Ça, c'est pas le monarque qui arrive avec des armées, des ci, des ça. C'est ceux que les gens vont vouloir adorer comme sauveurs, ceux qui viennent te casser de la gueule à terre. Ceux qui viennent te dire, si tu es mon esclave parfait, je te donne pas de claque. Le monarque, c'est une conscience christique, c'est une conscience d'intelligence qui va finir par chapeauter suffisamment d'humains pour que lorsque ça va être intelligent de faire une chose, que tout le monde le sache en même temps. Ça, c'est le monarque, c'est le grand monarque. Et à un moment donné, il y aura possiblement des êtres humains qui seront coordonnateurs uniquement, gestionnaires de la matière et de la rétribution matérielle. Mais ça ne sert à rien de vouloir avoir un gouvernement intelligent si le peuple ne l'est pas. C'est comme de dire à des enfants de 3 ans comment programmer l'ordinateur. C'est beau être le meilleur programmeur du monde, ça ne va rien donner. Alors, le grand monarque, ce n'est pas un être humain qui va venir, qui va se servir, par exemple, de l'Arche d'Alliance, ou qui va récupérer différents phénomènes du passé, refaire naître Excalibur, etc., pour, après ça, avoir suffisamment de puissance pour manipuler le troupeau. Il n'y a pas d'intelligence de manipuler l'humain en le programmant pour qu'il commence à devenir beau et fin. Pas d'évolution, ça, d'être beau et fin. Tout le monde sème. Oui, mais d'accord, mais les arbres aussi sèment. La roche sème, la roche, ça ne se bat pas contre la roche. Bon, ils pullulent, ils font des enfants, ils s'amusent. C'est bien intéressant. Sauf que ce n'est pas évolutif. Il faut que l'humain devienne intelligent. Quand l'humain est intelligent, tu n'as même plus besoin de dire « éteignez le feu, ça brûle ». Bon, tous ceux qui sont proches éteignent le feu, les autres fournissent l'eau, puis les autres, ben, continuent à faire d'autres choses, c'est pas nécessaire qu'ils y aillent. Ça, c'est de l'intelligence, c'est ça le grand monarque. Le grand monarque est une gestion planétaire de l'intelligence. Le grand monarque, c'est pas un bonhomme, c'est vraiment la limousine. Mais une grande bonne femme. C'est pas ça le grand monarque. Alors, se servir de ces phénomènes d'alliance-là, ça va être intégré dans la compréhension de l'intelligence, donc du phénomène instrumental ou du phénomène christique à l'échelle de la planète dans quelques années. À mon niveau. J'avais une question, mais elle vient de fuir. C'est bien, ça. Elle est bonne. Peut-être apparue sur les feuilles. Existe-t-il 5 milliards de planètes Terre reliées entre elles dans l'astral, ou s'il n'en existe aucune et qu'il n'existe que l'astral de la planète? Bon. Dans les deux cas, ben, le début est un peu faux. Il y a beaucoup plus que 5 milliards de planètes Terre qui sont intimement mélangées ensemble et qui font en sorte, dans un esprit collectif du monde astral, qu'on a toute l'impression d'être assis les uns à côté des autres. Et là, tu vas me dire, ouais, mais si je me suis sur toi, un crime, tu vas être là. Non. Par contre, ton collectivisme va faire en sorte que tu vas totalement percevoir ma présence, alors que ma présence n'est pas là. Tu sais, mon corps ne touche pas à ta chaise, comme ton corps n'existe pas pour ta chaise non plus. C'est une question d'énergie. De l'énergie qui, à un moment donné, devient des atomes, qui, à un moment donné, devient des molécules, mais c'est la raison de l'énergie. Bon. Aucune terre, c'est exact. Et des milliards de terres, c'est aussi exact. À un moment donné, si on veut plus de détails scientifiques là-dedans, là, il y a une grosse partie du livre de la naissance à la mort où c'est juste là-dessus qu'on s'amuse. Sinon, c'est un peu long à expliquer. Là, c'est décrit d'une façon scientifico-scientifique. Donc, très rigide. Mais effectivement, c'est ça. Il n'y a pas de terre, il y en a plusieurs. Ce qui fait que... C'est fatigant. Je pense qu'il est... Quel genre d'entité risque de rencontrer les humains qui étendent leur énergie vitale dans le Mont-Saint-Hilaire? Des intraterrestres. Ou des mauvaises expériences. Une auditrice a dû dire sur les ondes que le Christ devait être paresseux, puis qu'il n'a commencé sa vie publique qu'à 30 ans. Pourquoi n'a-t-il pas commencé avant? Et si le baptiste ne l'avait pas confirmé, attendrait-il encore aujourd'hui pour savoir qui il est? Bon. Premièrement, très rapidement, là, il faut savoir que l'auditrice, ici, elle avait un petit peu tard. C'est qu'elle déteste peut-être le Christ parce que le Christ n'a pas tout donné sa vie pour la sauver elle, là, je te disais des fois. Non. Parce qu'on se plaint toujours, tu sais, il a commencé à 30 ans, il a fait ça pendant 3 ans, mais imaginez-vous si elle a commencé avant, on serait peut-être bien mieux. Premièrement, il n'est pas passé pour nous autres, il est passé pour lui. Deuxièmement, il est passé pour récupérer son humanité. Ça veut dire que quand l'énergie christique, un des faisceaux traversé le monde de la mort, elle a récupéré les mémoires réincarnationnelles de ceux qui avaient vécu sur son faisceau. Descendant dans un corps d'enfant, il fallait qu'il prenne contact avec le corps, qu'il fasse un contrat avec l'ego de Jésus. Et ça, ça l'a pris plusieurs années, parce que l'ego de Jésus ne voulait pas. Pendant ce temps-là, il y a des êtres humains reliés à son faisceau qui n'étaient pas morts, qui sont morts. Quand l'ego de Jésus a accepté, il a fallu créer un double éthérique pour préserver, selon le contrat, l'entente qu'il y avait eu entre l'énergie christique et Jésus, préserver la mémoire de Jésus pour qu'elle puisse revenir plus tard, dans un contexte plus intéressant. Par la suite, il fallait digérer de 13, 14, 15 ans, il fallait digérer tout ça du faisceau du Nazaréen, qui maintenant était Jésus-Christ, le Nazaréen, parce qu'il était de la secte des Nazaréennes, des Nazaréens. Et pendant de 13-14 ans, aller jusqu'à 30 ans, il devait digérer les individus qui mouraient de son faisceau et qui, au lieu de gagner le monde de la mort, l'intégraient lui. Donc, il sauvait son humanité. Et il ne commençait pas à prêcher. Par la suite, il a fallu qu'il se monte en énergie jusqu'à un point tel où il puisse dynamiser suffisamment Lazare, qui est le faisceau le plus proche de lui, pour que Lazare devienne après ça le gérant du phénomène évolutif planétaire. Et entre 30 et 33 ans, il va simplement s'arranger pour qu'on crée suffisamment de canaux, de mémoire, d'expérience de sa présence, pour que sur la croix, mais la croix on s'en fout, mais pour qu'il puisse mourir d'une façon très particulière, qu'on pourrait expliquer à un moment donné, pour qu'il regagne le monde de la mort, récupérer ceux qui, de son cesseur, sont morts pendant son enfance et qui ont gagné le monde de la mort. Il récupère ceux-là, ce qu'on appelle la descente aux enfers, et par la suite, il va passer plusieurs dizaines d'années dans le contexte planétaire, uniquement à travailler avec Lazare et à structurer des mécaniques archétypales qui vont permettre à tout l'ésotérisme christique de sa présence d'être caché par de l'exotérisme théologique. Il va donner à Pierre un de ces fardeaux-là, mais en même temps, il va aussi structurer d'autres religions. Et un peu après l'époque de Mahomet, il sacre son camp. C'est pour ça qu'il n'a pas commencé avant l'âge de 30 ans. Mais en réalité, il a commencé bien avant 30 ans. Où il est parti? Ah oui, il est parti, nulle part. Hein? C'est vrai, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, mais il y en a plusieurs. Il peut être parti à bien des places. Oui, simplement résorbé. Il n'est même plus dans la création. Son énergie, elle a été transmutée? Transmutée, non résorbée. Transmutée, c'est une question d'évolution. Dans son cas, c'est autre chose. Il reste les traces planétaires, les traces solaires, les traces galactiques, les traces universelles, les traces super-universelles, les traces créationnelles de sa présence. Mais c'est tout. Mais c'est une énergie globale et résorbée, donc c'est différent de transmuter. Absolument, c'est pour ça que c'est pas transmuté. Mais la on va-tu tous être résorbés? Tous, non! On va être transmuté avant d'être résorbé, mais on se reconnaîtra plus? C'est ça. OK. Tu as parlé de deux genres de portes qui pouvaient amener dans le temps. Une qui est colorée, l'autre qui ne l'est pas. Où ces deux genres de portes conduisent-elles? Commence par ça. Bon. L'avenir est beaucoup plus existant que le passé. Dans la conception des créatures du temps, l'homme, la femme, l'enfant, géré par une âme expérientielle qui cumule de la mémoire, traditionnelle, ainsi qu'au niveau de l'expérience de sa vie, nous concevons le passé comme un fait réel parce qu'il nous intègre. Mais l'avenir est beaucoup plus présent. L'avenir n'a pas été digéré par l'homme. L'avenir est muable. Le passé est immuable. Pourquoi? Parce que le passé, c'est exactement comme si on avait un grand morceau de chocolat qui est un chemin et on mange le chocolat. L'avenir, il est toujours là. Le passé, il nous intègre, il nous constitue. On ne peut plus rien changer dans le passé. On gardera les traces du chocolat, bon, ça va. Tandis que l'avenir est beaucoup plus structuré, beaucoup plus réel, la majorité de ce qui manipule l'humain provient de l'avenir. L'avenir essaie d'intégrer, d'imbriquer dans la conscience astrale de l'âme des lignées du passé pour que l'être humain, par extrapolation manipulée, s'en aille dans un futur possible. Alors qu'il y a des futurs possibles qui n'en sont pas prévus par la mécanique astrale, des futurs possibles qui n'ont pas la capacité d'implanter dans la conscience des humains de l'histoire pouvant diriger l'humain vers cet avenir. Et tous les futurs possibles qui existent présentement, qui traînent l'humain vers l'avenir, sont des futurs possibles qui sont extrêmement dommageables pour la conscience évolutive de l'homme. Et ces futurs possibles font tout pour engendrer des trames historiques qui vont nous faire dire « Bon, ben les Irlandais, on les haït. Moi, j'étais un Écossais. Pourquoi les haït? Ah, tout le monde était de même. » Mais si on fouille dans l'histoire, dans la vraie histoire, on peut se rendre compte que c'est pas vrai. La race allemande, descendant de la race aryenne. Ésotériquement, c'est faux. Et si à un moment donné, on se mettra à fouiller, on verrait que c'est faux. Mais pour l'Allemagne, pour Adolf Hitler et un paquet de ses sbires, c'était évident. Pourquoi? Parce qu'il y a un avenir particulier de manipulation drastique arimanienne reliée avec au phénomène luciférien satanique qui ont manipulé le Troisième Reich, qui ont engendré une lignée du passé pour que l'humanité se dirige vers ce futur possible. Donc, il y a des possibilités de voyager dans le temps où on s'en va uniquement dans des régions qui ne sont pas prévues par la conscience de l'homme, la vraie conscience, non pas la conscience astrale, mémorielle, traditionnelle. Et ces futurs-là sont des futurs qui sont colorants, c'est-à-dire que l'humain, quand il va là-dedans, il y a premièrement le danger pour un être humain insuffisamment conscient de l'illusion du temps, de voyager dans le temps, surtout dans l'avenir, parce que quand tu voyages dans le passé, c'est dans un musée, et là on t'instruit de ce qu'était ta famille, du pourquoi tu manges la marde, du pourquoi tu manges du gâteau, alors que ça c'est un musée, ça, c'était tout totalement faux. Si tu voyages dans l'avenir, tu te rends compte que c'est ceci, cela ou cela, futur possible, historiquement prévisible par l'humanité, et il n'est pas, dans ce futur, on n'a pas prévu de place pour la conscience évolutive de l'humain. On a prévu de la place pour la conscience spirituelle de l'humain. Alors, il y a beaucoup de projections de l'avenir, où l'humain vit de l'art. Il mange quoi? C'est peinture? Bon. Où l'humain sème, où les enfants sont polis, gentils, ils vont acheter des cigarettes qui ne donnent pas le cancer. Bon, il y a beaucoup de trames de l'avenir. Quand on regarde les livres, etc., c'est extrêmement émotivement et spirituellement bénéfique et plaisant. Alors que la spiritualité, l'émotivité, est ce qui a engendré toute la problématique qu'on connaît dans l'histoire, même si on n'avait pas le choix. Que ce soit les guerres saintes et croisades, la prochaine guerre mondiale, individuelle, peut-être islamique, que ce soit ce que l'on voudra. Et il y a une autre façon de voyager dans le temps, c'est par une conscience de réincarnation qui est totalement différente. Et là, ce qui se réincarne existe, mais n'existera pas si l'humain ne fait pas ce choix Donc, en tout cas, ça peut revenir pour manipuler ou pour te permettre de visiter des choses, pour pouvoir travailler dans un pilonnage du monde de la mort, pour que les futurs possibles prescrits par le passé, donc par l'avenir, soient changés. Il y a deux façons de voyager, celle qui colore, c'est celle qui bâtit notre passé. Ça, la question qui suivait, c'est qui et sous quelle forme peut-on avoir accès? C'est plus ou moins répondu par le pilonnage. Oui, c'est sûr que c'est énorme, tout ce que, bon, je vous dis ça comme ça, là, ça informe un petit peu, c'est, il faut avoir, évidemment, un petit peu de fluctuation dans l'idée qu'on se fait du temps, là. Qui et quoi, il n'y a pas de qui et de quoi. Possiblement que le plus grand manipulateur dans votre conscience, ça va être ce que vous pouvez devenir en évoluant. Et le plus grand anti-manipulateur, anti-évolution dans votre conscience, c'est tout ce que vous êtes devenu dans l'avenir, sans la conscience. Les êtres du futur doivent-ils obligatoirement passer par ces portes pour rejoindre la planète? Est-ce que seuls les êtres qui peuvent se déplacer à la vitesse séraphique peuvent avoir accès à ces portes? Non et non. Est-ce que l'univers est tapissé de corridors donnant accès au monde bouddhique et intentionnel? Oui, l'univers est un corridor. Il n'est pas tapissé, il est un corridor. C'est présent, c'est là. Parce que nous avons les yeux braqués sur notre passé, sur la mémoire, sur la tradition, cela nous oblige à toujours essayer de comprendre le neuf à partir du vieux. Et c'est là le filtre qui fait que ça ne passe pas. Il n'y a pas rien que ça qui ne passe pas ici. On dit, en d'autres mots, ne pénètre pas qui veut dans cet univers. C'est évident que ne pénètre pas qui veut, parce qu'à l'instant où vous le voulez, vous n'êtes pas dedans. C'est simple. Il y en a beaucoup qui ne voulaient pas être ici. Ben oui. Est-ce que la trame de l'homme nouveau vers un monde intelligent va permettre la transformation, à transformer aussi tous les mondes parallèles, ainsi que le futur pour être moins violent, plus écologique et moins de souffrance chez tous les plans moronciels, etc. Est-ce que la trame de l'homme nouveau vers un monde intelligent va permettre à transformer aussi tous les mondes parallèles, ainsi... D'accord, c'est bon. Il n'y a pas de virgule. Tu n'as pas assez dans ta tête, tu n'as pas signé à l'école pour en mettre quelques-unes sur la feuille. Bon. La trame de l'homme nouveau, si l'humanité ferait le choix de l'homme nouveau, puis à un moment donné, vous allez voir que ça va se parler de plus en plus, bien ce qui va se passer, c'est que toute une grande partie de l'histoire de l'humanité n'aura pas existé comme on la connaît. Ça va changer dans le passé. Dans le passé mémoriel de l'homme, dans la génétique historique de l'homme, ça va changer. Et la majorité des futurs possibles prescrits par notre évolution planétaire jusqu'à date, qui risque fortement d'exister, si c'est ce choix-là qui est fait, ça n'aura jamais existé. Le syndrome de Raymond, c'est peut-être Raymond. D'où ça vient, où ça va? Le syndrome de Raymond, où ça vient, où ça va? C'est ici. Ouais. J'essaie de trouver comment résumer, parce que c'est comme le syndrome du Christ. D'où ça vient, où ça va? Ça va bien les places, ça vient de bien les places. Alors là, il faudrait qu'on pose une question beaucoup, beaucoup plus claire, parce que où ça va, ça mène où? Tous les syndromes sont des questions de perception, perception interne, perception externe, mal vu, bien vu. Où ça va, ça dépend des coloratifs de chacune des psychologies, ça dépend de ce que l'humanité va faire avec ça, ça dépend aussi de la vision qu'on a. Est-ce que c'est pathologique ou pas, ça dépend des autres humains, ça dépend pas du syndrome lui-même. Le syndrome de Renaud, ici, ça vient premièrement de l'astral, ça vient de l'illusion, ça vient du comique. Puis où ça va pas loin. je connais pas ce syndrome-là. Parle-nous du Christ, du Christo solaire. Parle-nous du Christo solaire. Du Christos. Christos. C'est Christos solaire. C'est compliqué d'en parler. Pourquoi les jumeaux... C'est une essence double, ça c'est plus intéressant. Les cristaux solaires, on peut en parler longtemps encore, mais c'est une visualisation utopique, alchimique, de quelque chose qui normalement devrait apparaître à travers une maturation longue et pénible de l'évolution humaine. C'est aussi, parce que ça désigne plusieurs choses, parce que ça fait longtemps que c'est ça dans l'image planétaire, aussi, c'est quelque chose qui, normalement, devrait être capable de se créer ou de se faire créer dans des cristaux conventionnels. Et on parle de solaire parce qu'il semble radier du Yann. Mais ce n'est pas des outils utilisables réellement par l'humain. Ça fait surtout partie de la forme, de l'illusion de l'évolution. Mais encore là, une personne peut dire qu'il y a un alchimiste, il y en a un, effectivement, qui a fait semblant de mourir à un moment donné. Et lui disait que, il a souvent parlé des cristaux, du cristal solaire, qui devait être l'homme. Alors donc, encore une fois, la question, elle est plus ou moins précise, parce que de quel genre de cristal solaire on parle, étant donné que le terme est assez, c'est un terme émotif, c'est un terme alchimique, il permet de divaguer, de s'en aller, donc de dire vague, plusieurs choses sur le phénomène du cristal. Les jumeaux et naissance double, c'est simplement une question de mécanique. Les spermatozoïdes se font une guerre massive pour gagner une ovule. Quand il y en a deux qui gagnent en même temps, justice divine, on leur donne chacun un trophée. Bon. Alors, on fait des jumeaux, ils peuvent être hétérozygotes, ils peuvent être homozygotes. Bon. Hein? C'est ce que ça veut dire? C'est que ça se peut. Bon. Une question précise. Par contre, les naissances doubles, souvent, vont permettre la réincarnation similaire des mêmes mécaniques et ça va créer deux fois le même enfant si c'est un phénomène qui est homozygote, c'est-à-dire que c'est des vrais jumeaux. Mais ce qui va arriver, c'est que le milieu va progressivement altérer, étant donné que si chaque enfant voit le pot d'eau, il y en a un qui le voit de cet angle-là, l'autre n'est pas dedans, c'est pas des jumeaux parallèles. Ils sont parallèles d'un côté de l'autre, mais pas dans l'espace, mais dans le temps. Lui, il voit différemment. Progressivement, il y en a un qui voit sa mère pendant que l'autre ne le voit pas. Il y en a un qui regarde dehors pendant que l'autre regarde en dedans. Et progressivement, l'expérience interne va faire en sorte que les réincarnations qui vont venir vont de plus en plus être séparées et différentes et s'engendrent deux êtres humains qui sont similaires, mais différents. Il n'y a pas de raison d'intentionnalité du pourquoi que. C'est comme si on posait la question, pourquoi deux êtres humains naissent-ils en même temps sur la planète? Ben, de la même mère ou de deux mères différentes? Mécanique. Jésus-Christ est-il mort au Cachemire? Non, il n'est pas mort au Cachemire. Il est mort sur la croix. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que... C'est intéressant. Il y a effectivement un corps de Jésus-Christ qui est mort près du Cachemire. Il y a d'ailleurs un livre qui a été relativement apocryphe, là, qu'on a refusé et interdit, qui circule un peu dans photocopie ou en couverture un peu détachée, là, usée, qui en parle. On a trouvé de toute façon le tombeau de Marie dans ces régions-là. Il y a aussi un Jésus-Christ qui est mort en Inde et il y en a un qui est mort au Tibet, sans compter celui qui est mort en Égypte. Bon. Ce qui est arrivé, c'est que lorsque le Christ est resté dans le contexte d'un état plusieurs années pour finir d'instruire les apôtres, pour travailler avec Lazare un grand laps de temps, il a fait ce que Lazare fait aussi. Il a possédé, pris des corps physiques de personnages qui n'avaient pas de valeur astrale et il a vécu dans ces corps. Il a abandonné certains corps dans certaines régions et parce que les gens de l'entourage savaient que le maître là était le Christ, mais non pas Jésus, on dit Jésus-Christ, mais en tout cas, bon, était le Christ, le Nazaréen, et ce veut pas, il reste toujours des traces de légende. Et on retrouve effectivement des phénomènes de tombeau de Jésus, mais qui n'ont pas des datations, ça ne va pas tout à fait ensemble. Alors, on a un tombeau au Cachemire, de toute façon, il est mort plusieurs années après être mort sur la croix. En Égypte aussi, etc. Donc, c'est simplement ça. Donc, c'est facile à comprendre. Non, de toute façon, c'est quelqu'un qui dirait, oui, non, ça se peut pas. Mais si ça se peut pas, le Christ n'a pas existé, parce que tout ce qu'il a fait, ça se peut pas non plus. Hein? C'est pour Boucher catholique. Merci. Nombre d'auteurs versés dans l'ésotérisme manifestent une fascination suspecte pour Hitler, considéré comme grâce initiée, et pour tout ce qui touche au Troisième Reich. Exemple, certains chapitres du Matin des magiciens de Louis Powell et Jacques Bergier, certains livres de Raymond, Abelliot, Julius et Vola, etc. Ça rime. On peut même dire que certains lecteurs trouvent de l'intérêt à lire certains auteurs. Certains livres, ce fait ne tiendrait pas à démontrer la nature double réactionnaire, c'est-à-dire un obscurantisme intellectuel doublé d'un obscurantisme politique, de l'ésotérisme en tant que tel. Bon, ce qu'il faut faire attention, c'est que faut aussi comprendre de quelle façon le Troisième Reich a été monté, qui était Adolf Hitler, qui était sous-jacent à la manipulation du Troisième Reich, qui était la Wehrmacht, qui était la Gestapo, qui étaient les hommes en noir qui le côtoyaient, pourquoi Rudolf Steiner a lutté contre et pourquoi finalement on a voulu détruire ce qu'il lui faisait, pourquoi la majorité des plus grands génies ont su que le Troisième Reich était dangereux, juste avoir la croix gammée, la Svastika à l'envers. On doit comprendre que le Troisième Reich était luciférien. Les personnes qui en parlent convenablement, c'est que si le Troisième Reich aurait réussi, possiblement qu'on serait tous heureux. Mais la façon dont Adolf Hitler, ça ne pouvait pas fonctionner, remarquez bien, la façon dont ça a été amené, vu que ça n'a pas marché, alors on peut facilement déblatérer là-dessus. Le gars qui n'a jamais opéré, il n'a jamais eu d'opération nulle part. On a un enfant qui a un appendicite aigu, il va mourir. Bon, ça éclate, une péritonite, et on le perd. À un moment donné, on a un personnage qui décide, ben moi, Christy, il m'a l'ouvrir, il m'a l'ôter. Ben, qui prend un bisturi, puis il chope ça, puis un gros couteau à la place, là. Il est en Australie, fait qu'il sort son gros couteau comme ça. Là, il coupe ça, il ramasse l'appendice, il arrache tout ça, puis l'enfant meurt. Quel boucher! Sauf que s'il arrache tout ça, puis qu'il décide de prendre les aiguilles de tante Hortense, puis recoue ça, puis il referme tout, puis l'enfant vit. Alors, c'est plus pareil, c'est plus un boucher, c'est un sauveur. C'est souvent ce qui va arriver. Celui qui réussit, on le porte à l'éloge. Il y en a un dernièrement, un haut gradé des forces armées américaines, qui a travaillé à vendre des armes en Iran, pour ramasser de l'argent pour aider du monde au Salvador. Bien, si lui aurait réussi, si personne n'aurait rien vu, si ça aurait fonctionné comme on aurait aimé que ça fonctionne, ça aurait été un héros national. C'était pas tout à fait comme on voulait, ça devient nécessairement un délinquant national. Le Troisième Reich, dans son application, est totalement stupide, imbécile, idiot, je vote contre. Dans l'idéologie d'Adolf Hitler, celle de faire en sorte qu'une race pure apparaisse, une race fière, solide, mentale, dans laquelle viendraient se réincarner tous les autres peuples qu'on aurait exterminés pour qu'ils quittent leur corps physique et que pour par la suite on puisse installer l'hyperborée, c'est ce qu'ils recherchaient, pour engendrer un millénium plus rapide, ben l'idée n'est pas folle, mais c'est totalement idiote. C'est-à-dire que l'idée, plutôt, n'est pas idiote, même si c'est totalement folle. Bon. Ou fou, quand même. Si cela aurait fonctionné, ça ne peut pas fonctionner, parce qu'on ne peut pas forcer l'humain à devenir intelligent. Mais ça, Adolf Hitler ne le savait pas, et l'idée du Troisième Reich était, de toute façon, de créer un trou dans des égrégores pour permettre à la conscience fondamentale de descendre ailleurs que dans le peuple juif. Bon, c'est des choses. C'est sûr que si on veut aimer le Troisième Reich ou Adolf Hitler, tout ce que l'on doit aimer, c'est le pourquoi il voulait faire. Mais la façon dont il l'a fait, on doit la détester totalement et la haïr totalement, parce que c'est pas long que les forces du mal s'accaparent immédiatement de n'importe quelle personne qui n'a pas la puissance psychologique de supporter de la puissance et qui transforme tout en pouvoir. Et nécessairement, de ce côté-là, le Troisième Reich est pourri. On ne peut pas par la guerre, on ne peut pas par les opérations, on ne peut pas par l'irradiation, on ne peut pas par la force, prendre un être humain et le rendre intelligent, le rendre heureux. On ne peut pas. Adolf Hitler a utopiquement exprimé ce genre de choses qui était finalement la vision spirituelle de l'humanité depuis des milliers d'années. Et ça l'a éclaté chez lui et dans le peuple allemand. Et ils se sont missionnés. Et ça l'a foiré. Ça ne peut pas faire autrement. Alors, c'est évident que dans l'ésotérisme, on voit souvent, les ésotéristes voient souvent les parties sous-jacentes de certaines choses. Alors que politiquement, on voit d'autres phénomènes. Et surtout que si on décide qu'on gagne, bon, par exemple, les Américains, c'est bien bon monde pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ils avaient des camps de concentration, mais ils en ont massacré des innocents. Même dans leur rang. On le sait depuis le Vietnam. Mais si on aurait gagné le Vietnam, diraient les Américains, personne n'aurait été, on aurait été correct. Parce qu'on l'a perdu, eh bien maintenant, on doit détester le Vietnam. Pour détester le Vietnam, on devra détester tout ce qui ressemble à Adolf Hitler. Ou ce qui ressemble simplement aux conneries. Bon, alors quand tu prends un village vietnamien, puis c'est juste des femmes, des hommes qui ne sont pas des soldats, des vieillards, des enfants, et puis que tu ne dois laisser aucune trace de ton passage, ben tu creuses un trou, tu les mets dedans, tu es enseveli, tu t'en vas. Bon. Et ça s'est fait. Ça s'est fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est fait pendant la guerre de Corée, ça s'est fait pendant la guerre de l'Afghanistan. Vous savez qu'on trouve ça idiot, les Russes laissent tomber des crayons. Quand l'enfant les prend, ça y pète dans les mains, ça y arrache les cinq doigts de la main. Ce sont des bombes antipersonnelles. C'est-à-dire que c'est là uniquement pour mutiler. C'est chien. Quand un F-16 larguait une bombe au napalm dans un village vietnamien, il mettait le feu sur des mètres de large, sur presque un kilomètre de long. Et puis le napalm, ben, ça colle dessus, puis ça brûle. Mais la guerre, c'est la guerre. C'est aussi une bombe antipersonnelle, parce que tu détruis tout. C'est pas une bombe ciblée. Et finalement, on peut jaser longtemps, mais Adolf Hitler, ce qu'il a fait, c'était idiot. Parce que toutes les fois qu'on se sert des forces armées, c'est idiot. Même si l'armée défend la paix est défendable. Les visions d'Adolf Hitler, défendables. C'est Thomas Jefferson en a parlé, c'est utopie. Mais la façon dont on se sert de la matière et de l'homme pour défendre nos idéaux, c'est ça qu'on devrait attaquer. Alors, c'est pourquoi les ésotéristes souvent en parlent ou en bavent, c'est que l'idée, elle est bonne, positive. La façon dont c'est appliqué, par contre, ça... Dans l'ère du Verseau, y aura-t-il des inexpliqués? Il y aura toujours de l'inexpliqué tant que l'être humain aura des questions à poser. Lorsque l'être humain sera capable de cesser de poser des questions et de s'attacher uniquement à vivre dans l'instantané, il aura instantanément la réponse à une question qui semblait vouloir venir. Donc, il n'aura que, non pas des réponses, non pas des questions, l'être humain ne sera capable que d'exprimer et que d'accomplir. Il n'y aura pas d'inexpliqué parce qu'il n'y aura rien à expliquer. La semaine prochaine, c'est à Montréal, c'est sur l'enfant Teflon. Ceux qui veulent en parler ou inviter des gens qui peut-être pourraient cesser de triturer des enfants d'une façon inappropriée, parce que c'est possiblement le temps. La dernière conférence, je crois, cette année. Par la suite, on recommence les vendredis, mais non plus les mercredis, à retenir. Instruisez bien vos égaux. Et on ne va faire nos conférences qu'à Montréal, au Aldine Richelieu. Alors si, à un moment donné, vous êtes manipulé à venir ici, ou à l'Aldine de Longueuil un mercredi, c'est pas de notre faute. Merci. Les cassettes de la conférence de ce soir sont disponibles à